Eh bien, que diable fais-tu là-dedans ? Demanda le père à la fille. J'ai dépensé mes 1200 francs d'économie, viens. Elle reprit le bras de son père qui répéta. 1200 francs ? 1300 même, mais tu me prêteras bien la différence. Et à quoi, dans cette boutique, as-tu pu dépenser cette somme ? Ah, voici, répondit l'heureuse jeune fille. Si j'ai trouvé un mari, ce ne sera pas cher. Un mari, ma fille, dans cette boutique ? Écoute, mon petit père, me défendrais-tu d'épouser un grand artiste ? Non, mon enfant. Un grand artiste, aujourd'hui, c'est un prince qui n'est pas titré. C'est la gloire et la fortune, les deux plus grands avantages sociaux après la vertu, ajouta-t-il d'un petit ton cafard. Bien entendu, répondit Hortense. Et que penses-tu de la sculpture ? C'est une bien mauvaise partie, dit Tullo en hochant la tête. Il faut de grandes protections, outre un grand talent, car le gouvernement est le seul consommateur. C'est un art sans débouché. Aujourd'hui qu'il n'y a plus ni grandes existences, ni grandes fortunes, ni palais substitués, ni majorats. Nous ne pouvons loger que de petits tableaux, de petites figures. Aussi les arts sont-ils menacés par le petit. Mais un grand artiste qui trouverait des débouchés, reprit Hortense, c'est la solution du problème. Et qui serait appuyé ? Encore mieux. Et noble ? Bah ! Comte ! Et il sculpte ? Il est sans fortune. Et il compte sur celle de Mademoiselle Hortense Hulot, dit railleusement le baron en plongeant un regard d'inquisiteur dans les yeux de sa fille. Ce grand artiste, comte, et qui sculpte, vient de voir votre fille pour la première fois de sa vie, et pendant 5 minutes, monsieur le baron, répondit Hortense d'un air calme à son père.